Exercice 5, page 34. A. C'est un très bon élève. B. C'est un très grand ami. C. C'est un très petit espace. D. J'achète plusieurs articles. E. Je prends quelques affaires. F. Je n'ai aucun appétit.